Bonjour à toutes et tous et bienvenido sur les ondes de Radioactive. Aujourd'hui, dans ce mag, on va parler salsa, kizomba et bachata, des danses que vous pouvez découvrir et pratiquer à Montlouis auprès de l'association Baila Senti. Nous avons fait la rencontre de Fanny et Izzy au Forum Vivasso de Montlouis. Tous deux sont coprésidents et professeurs de danse au sein de cette association Baila Senti. Je vous invite donc à découvrir ces deux belles personnalités et leur approche de la danse dans ce mag. Notez bien que ce jeudi 26 septembre à 20h30, vous pouvez aller les rencontrer à la salle de danse de Montlouis, 2 rue du Sénateur Bell, pour un cours d'essai gratuit. Je vous laisse donc faire leur connaissance dans cette émission. Nous sommes accompagnés par Fanny et Izzy. Alors Fanny et Izzy sont coprésidents tous les deux d'une association dont le nom est Bailar con Sentimientos. Voilà. Oui, d'où le fait que Fanny me disait hors antenne, on a un petit peu raccourci le nom parce qu'on est un petit peu plus connu maintenant sous le nom de Baila Senti. Oui, tout à fait. Et voyez, c'est pas pour rien parce qu'effectivement, on arrive à se tromper. Alors cette association, elle propose tout un tas de disciplines autour de la danse. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Déjà, bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors oui, notre association Baila Senti, cette année on a la chance de proposer 3 types de danse. Mm-hmm. À la base, l'association elle s'est vraiment structurée autour de 2 danses, la salsa cubaine et la kizomba. Et cette année, on a rajouté une proposition à la demande des élèves qui est la bachata. Est-ce que vous pouvez nous décrire ces danses? Parce que alors, je dois avouer que je ne suis pas une fervente danseuse, je ne connais pas. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces différents styles de danse? Alors moi, je vais vous parler pour la danse que je connais un peu plus, qui est la salsa cubaine. Alors, il y a environ 4 styles de danse et de salsa différentes, mais ces 4 mouvements et variantes de salsa viennent et prennent vraiment leurs mêmes racines sur l'île de Cuba. Cette île a vraiment une grande diversité déjà qui était présente avant la salsa de musique et de danse, qui s'est formée autour de le côté hispanophone, donc des colons espagnols qui étaient présents, en métissage avec les esclaves qu'on est allé chercher au Togo, Niger, Bénin, voilà toute cette zone, et qui a ramené aussi une densité de richesse culturelle. Et à travers ce métissage, ça a créé la salsa, qui est une danse en réalité sociale, qui se danse énormément dans la rue, dans lequel il n'y a pas, même en France ou dans n'importe quel autre pays, il n'y a pas d'école. Alors maintenant, il y a des grands danseurs cubains qui font leur école, mais en réalité, ce n'est pas du tout académique. Cette danse-là, et d'ailleurs les 3 danses, Izzy vous parlera tout à l'heure de la kizomba, mais les 3 danses qu'on enseigne dans notre association, c'est des danses dans lesquelles on vient vraiment mélanger les âges, dans lesquelles on vient vraiment mélanger les cultures. Et cette année, on a eu l'occasion de faire, d'ailleurs pendant les élections, un événement. Donc là, le dernier tour, et c'était vraiment intéressant de voir qu'on avait plein de cultures différentes qui venaient de se rencontrer, plein d'âges différents, et ça avait du sens dans la société dans lequel on vit et dans celle qu'on veut construire. Voilà, donc nous, on peut danser avec des gens qui ont l'âge de nos parents, on peut danser avec des gens qui ont l'âge d'être nos enfants, et ça permet vraiment de créer du lien. Et la salsa, c'est plutôt une danse qui est festive, qui est dans l'extériorisation, tandis que la kizomba, c'est plutôt une danse de connexion et d'intériorisation, plutôt dans la subtilité. Alors Izzy, on a hâte de savoir ce qu'est la kizomba, parce qu'effectivement, la salsa, c'est peut-être la plus connue des 3 danses dont on a parlé. Oui, alors la kizomba, c'est une danse africaine en fait qui est originaire d'Angola, donc un pays d'Afrique australe. À la base, elle tire ses origines du semba, une danse pareil sociale, originaire de l'Angola, mais qui s'imprègne vraiment de la culture angolaise. Donc quand on parle de la culture angolaise, c'est vraiment par rapport à l'histoire d'Angola, donc les guerres qu'il y a eu. En fait, c'est une danse qui a permis aux gens de pouvoir faire autre chose et de penser à autre chose par rapport à la guerre, de pouvoir s'exprimer et tout ça. Donc il y a la musique derrière, donc la kizomba, le semba, qui sont 2 musiques différentes, mais qui tirent leurs origines en fait vraiment de l'Angola et de leur culture en fait. Donc en gros, cette danse, elle s'est un peu exportée dans tous les pays lusophones. Donc quand je parle de lusophone, c'est les pays qui ont été colonisés par les Portugais. Donc en exemple, on a le Cap-Vert en Afrique de l'Ouest, la Guinée-Bissau en Afrique de l'Ouest aussi, le Mozambique plus en Afrique australe et l'Angola du coup. Et par ailleurs, elle s'est exportée au Portugal, forcément, à cause du lien entre les colons et leurs colonies. Et puis, elle s'est exportée au fur et à mesure en Europe et elle a commencé à se diversifier beaucoup plus pour intégrer d'autres styles de danse comme le tango, le hip-hop, qui sont greffés à cette danse. Donc, ça fait que c'est une danse assez cosmopolite, sociale. Et d'ailleurs, kizomba en Angola, ça s'appelle, dans leur langue locale, en fait, ça signifie faire la fête, en fait. Donc, c'est une danse festive, sociale, qui se danse dans la rue généralement, donc dans les quartiers, les gens dansent entre eux, c'est des danses sociales. Il y a les enfants, les parents, les grands-parents, tout le monde est là en fait pour danser. Ça permet d'avoir une société, on va dire, cosmopolite où tout le monde est intégré en fait. Ce qui est fabuleux, c'est que tous les deux, vous nous parlez de danse, mais là on est en train de voyager, on parle à la fois de géographie, on parle d'histoire. Ouais. Tout ça, ça fait partie, c'est dans l'empreinte, dans l'ADN même des danses que vous proposez. Exactement. Ouais. Ce sont des danses qui, comme la kizomba est vraiment voyagée actuellement, elle est vraiment en train de s'étendre un peu plus en Asie actuellement, aux Amériques. Mm-hmm. Donc ça a réuni plusieurs personnes d'origines différentes, de pensées différentes. Donc ça fait que ça crée une harmonie, en fait, on va dire, des liens entre les gens. En fait. Donc, mais on le ressent quand vous en parlez, on le ressent bien. Bah, c'est des passions aussi. Oui, c'est, il y a beaucoup évidemment de passionnés dedans, en fait. Mais donc c'est vraiment, on propose des danses afro-cubaines, donc la salsa. Et la bachata qui vient se greffer, donc pareil, qui a aussi ses origines un peu plus dans ce style de danse en fait. Dominique. Et puis il y a toute la partie musique aussi derrière qui joue aussi derrière. Voilà. D'accord. Oui. Alors quand vous dites on danse, c'est des danses de couple hein? C'est des danses de couple, oui. Systématiquement. Systématiquement. Ouais. Donc c'est-à-dire que si je veux m'inscrire moi à votre cours, il faut que je vienne avec quelqu'un? Non, pas forcément. Quelqu'un? Pas forcément. Justement, c'est des danses de couple, mais vu qu'il y a le côté social, ça fait qu'on peut danser avec tout le monde dans le cours. D'accord. En fait. Donc on danse entre nous. Et on change de partenaire au fur et à mesure pour se pratiquer. En fait. Ouais, d'où le côté intergénérationnel. Ouais, totalement. Ouais. Uh-huh. Ça nous ouvre vraiment. C'est vrai que nous, culturellement, on va dire plutôt dans la culture française, parfois on n'est pas forcément habitué à danser des danses qui sont proches avec des gens qu'on lâche d'être nos parents ou avec nos propres parents. Or, dans certaines cultures, il n'y a pas du tout de tabou par rapport à ça. Et là, on se rend compte qu'en fait, de manière très naturelle, on vient mentaliser un cours. On est dans le cadre d'un cours, il n'y a pas de sensualité, on est vraiment sur de la répétition de mouvement, du positionnement, du placement. Et les garçons, en général, ont le cerveau qui chauffe parce qu'il y a beaucoup d'informations à digérer. Et on passe toujours, en tout cas, un bon moment et il y a vraiment un côté sociétal qui est important, créer la diversité. Moi en tout cas sur mon plan personnel, depuis que je suis moi-même tombée dans ces danses-là, mm-hmm. ma vie sociale a totalement changé, mon cercle social a totalement changé. Mais c'est des discours, je trouve, qu'on retrouve de plus en plus. Il y a quelque temps, on a reçu Marie Rousseau, qui, du côté d'Amboise, une association Biodanza. Ça vous parle, ça? Oui, ça me parle, oui. Elle tenait ce discours-là aussi. Donc, c'est quelque chose qui, là, est différent, évidemment. Hein, mais on est sur de la gestuelle, sur comment faire exulter son corps avec des mouvements. Thérapeutique, un peu. Et tout ça, en faisant tomber les barrières du côté tactile, d'avoir un peu de gêne, parfois, effectivement. Avec, Mais ce sont des danses qui poussent vraiment dans le développement personnel aussi et dans la connaissance de soi. C'est ça. La connaissance de soi, s'approprier son corps et pouvoir bouger, parce que déjà pour être connecté à la musique, parce qu'il y a la musique qui joue derrière, il faut une certaine connexion à la musique pour pouvoir laisser son corps naviguer sur la musique en fait. Donc on joue vraiment sur cette partie vraiment de connexion, de ressenti et de vibration en fait. On a énormément de profs qui deviennent aussi coachs de vie en fait, parce que tout simplement la danse, elle nous permet, et la danse de couple, parfois on va pas à la danse de couple pour rien, en général on y va parce qu'on a peur de danser tout seul et donc on se cache un peu derrière l'autre, et finalement à travers la danse de couple on est obligé de se rencontrer soi, parce que pour danser avec quelqu'un d'autre il faut accepter qu'on nous touche l'épaule, qu'on nous tienne la main, qu'on nous donne une impulsion, que des fois on nous dise j'ai bien aimé quand t'as fait ça, ou bien, et finalement on se rencontre vraiment soi et aussi dans ses limites. Ah ok, là voilà, j'ai pas réussi à suivre, j'ai pas réussi à guider, et du coup on se rencontre avec son ego et voilà. Ouais, parce que là on parle quand même de danses qui sont rythmées, donc effectivement faut suivre les pas, faut ingurgiter tout ça. Ouais, en fait tout s'apprend au fur des pratiques qu'on fait, mais c'est de la pratique en fait, ça demande de la pratique et ça demande d'aller danser souvent en fait, de danser avec les autres beaucoup plus pour échanger justement, parce que par exemple pour la kizomba, quand on danse de la kizomba, la manière dont je danse avec une certaine personne, c'est pas la même façon que je vais danser avec une autre personne, parce que j'aurai un autre ressenti différent. Donc on s'adapte en fait. Oui, puis en fonction des niveaux, j'imagine, parce que tout à l'heure Fanny me disait, je lui posais la question, est-ce qu'on doit être déjà un fin danseur pour arriver mais non, on peut tout apprendre, partir vraiment, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et oui, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, on peut déjà venir tout seul, c'est ce côté de vraiment danse sociale où on fera en sorte que tout le monde danse avec tout le monde. Alors des fois on a des personnes qui nous disent moi je veux danser que avec mon conjoint, à ce moment là on respecte aussi la volonté, mais l'objectif c'est vraiment en tout cas de créer du lien, et nous c'est l'énergie qu'on veut apporter aussi, que chacun puisse sortir de cette bulle là et ces trois danses là elles sont vraiment intéressantes pour ça. ça vous permet aussi de jouer avec des groupes. Enfin, il y a des musiciens live qui peuvent venir vous accompagner, oui, parfois, parce arriver. Que là, on imagine la bande son quand vous faites voilà, des répétitions, des choses comme ça. Alors, ce qui se passe en règle générale, en fait, c'est qu'il y a des événements qui sont organisés. Soit ce sont des soirées avec des DJ, soit avec des soirées avec des musiciens, parce qu'il y a des musiciens qui composent justement dans le cadre de la salsa, de la kizomba. Donc, les gens viennent danser. Ça peut être des trucs en live, des soirées en live ou des soirées avec DJ. Et il y a aussi des festivals qui sont organisés en France et partout dans le monde. Donc, c'est des gros événements sur des week-ends. Et les gens, ils vont, il y a des DJ avec des professeurs qui viennent de partout. Donc, et nous, c'est intéressant, en fait. On organise, là, ce sera la deuxième année, une édition. Donc, cette année, ça aura lieu le 23 novembre. Ça s'appelle Baila Cubana. C'est une journée entière où il y a 6 heures de stage. Et l'objectif, c'est vraiment de permettre aux élèves qui nous suivent dans les cours hebdomadaires, donc sur lequel on va développer de manière assez, entre guillemets, linéaire, un style de salsa cubaine où on ne peut pas forcément trop s'écarter. Mais en fait, quand on danse vraiment la salsa cubaine, on se rend compte qu'on va apprendre à danser aussi seul, à faire de la rumba. Donc, c'est des danses traditionnelles, pour le coup, là, qui sont afro-cubaines. Et on va aussi se connecter à une forme de spiritualité, si on a envie, si ça nous intéresse, en tout cas, à une forme de spiritualité, parce qu'on peut découvrir aussi les orishas. Le terme indique déesse et dieu, et ça correspond à la mythologie yoruba, donc africaine. Et donc, chaque mouvement va induire un dieu ou une déesse. Et un peu comme un art martial le ferait, finalement, certains arts martiaux. Oui, un peu, dans le style. Mais c'est plus dans le style rituel, comme les chamans, on va dire. Parce que dans la culture yoruba, la mythologie yoruba, on a des représentations de chaque divinité, donc la divinité de l'eau, de la terre, du feu. Et chaque divinité a son mouvement pour pouvoir communier avec cette divinité, en fait. C'est des sortes de prières que les yoruba faisaient. Ça a été exporté par l'esclavage à Cuba pour pouvoir continuer à pratiquer leur culte. Ils l'ont incorporé dans la danse parce que c'est rythmé. C'est vraiment rythmé, tout est rythmé, en fait. Donc pour pouvoir continuer à s'approprier leur culture, à pratiquer leur culte, ils dansaient. Mais les gens croyaient que c'était de la danse, mais c'était leur rythme en même temps aussi. Donc ça, c'est une partie aussi de l'histoire de la salsa. Et du coup, à l'intérieur de ces journées Baila Cubana, on invite vraiment les élèves à aller explorer plus loin avec d'autres professeurs qui ont des compétences et qui sont spécialisés là-dedans. Et ils vont pouvoir aller, c'est toujours sur le thème de la salsa, mais aller explorer la rumba, explorer le son. Donc tout à l'heure, Izzy parlait du semba, l'ancêtre qui existe toujours d'ailleurs et qui se danse aussi, l'ancêtre de la kizomba. Pour la salsa, c'est le son. C'est une danse beaucoup plus, entre guillemets, je mets des guillemets, classe. Qui est dansée à Cuba et qui a donné de manière un peu plus festive l'extrapolation de la salsa qui en fait signifie la sauce, le mélange. Et c'est vraiment ça qui est hyper passionnant dans les danses qu'on pratique, c'est qu'on s'ouvre humainement parlant sur d'autres milieux, d'autres personnes, une géopolitique qui a des points de vue différents aussi de la France. Oui, mais c'est ça, monde. C'est ce que je disais tout à l'heure. On n'est pas que dans la danse. Non, on n'est pas que vraiment dans la danse. On est dans des choses même presque un peu mystiques, un peu. Si on a envie, on peut aller explorer ça. Alors, effectivement, quand on n'est pas cubain, on va l'explorer un peu plus de manière ethnologique, avec la curiosité, parce qu'il y a des rites qui vont être un peu plus intenses et qui vont être un peu plus fermés et qu'on va respecter aussi. Chacun le vit à sa manière. Mais en tout cas, c'est un peu comme on pourrait ouvrir un livre de mythologie grecque et être passionné par ses dessins, par ses histoires, et voilà, c'est exactement la même chose, quoi. Mais en tout cas, c'est intéressant. Puis encore une fois, vous en parlez d'une manière tellement de passion qu'on est curieux de découvrir. Alors, si on veut justement venir s'initier, je crois que justement il y a une possibilité de venir découvrir. Cette nouvelle saison, tous les mercredis, on proposera de la salsa. À savoir que tous les cours qu'on propose de l'association Baila Senti, ils sont deux rue du Sénateur Bell, à côté de la pharmacie Sirvin à Mont-Louis. Alors, c'est en soirée. Hein. Oui, c'est en soirée. Pour le cours débutant, ce sera à 21h et le cours inter sera à 20h. Ok. Ensuite, le jour d'après, le jeudi, on a la kizomba. Pareil, toute cette année, ce sera les jeudis. 21h30 pour les débutants et 20h30 pour les intermédiaires. Et le vendredi, la bachata. Cette fois-ci, les horaires, ce sera 20h30 pour les débutants et 21h30 pour les inters. À savoir qu'on proposera aussi, pour la salsa et la kizomba, chaque veille de vacances scolaires, on propose un cours mixé, où on mixe les groupes, parce que l'objectif, c'est que les inters puissent faire évoluer les débutants et que les débutants puissent temporiser les inters. Parce que parfois, quand on est inter, on a l'impression qu'on sait tout faire. Donc l'objectif, c'est de se rappeler, de créer du lien, de se rappeler d'où on vient, de se rappeler aussi qu'un bon danseur, c'est quelqu'un qui sait s'adapter à un débutant. Et donc chaque veille de vacances scolaires, parce que pendant les vacances on donne pas de cours, chaque veille de vacances scolaires, on fera un temps de danse dans lequel on aussi proposera aux deux niveaux de se mélanger, que les inters puissent un peu emmener en soirée les débutants, les faire sortir, créer du lien entre les groupes. Vous dansez toute la semaine en fait. Oui. C'est votre vie. Oui. Oui. Et alors les samedis? Alors les samedis, environ deux samedis par mois, à partir du 14 septembre, on propose des ateliers. Donc le premier atelier, ce sera de septembre à février, environ deux samedis par mois sur un créneau de 2 heures, en gros 20 heures de cours. Ce sont des cours collectifs uniquement pour les femmes autour de la kizomba. Donc quand je dis uniquement pour les femmes, c'est pas deux femmes qui vont danser entre elles, c'est en fait on utilise beaucoup le miroir, c'est un groupe de femmes. On essaye de développer vraiment un groupe dans lequel les femmes se sentent en sécurité, non jugées ou non dans une compétition de celle qui va être la plus ceci, la plus cela, dans une séduction, parce que souvent quand il y a des hommes, on va chercher à faire bonne figure ou à essayer d'être peut-être la plus attractive ou la moins à défaut sur le rythme. Donc là, on essaye de vraiment casser cette compétition-là qu'il peut y avoir parfois. Et l'objectif, c'est de mélanger encore une fois. Cette année, j'ai fait vraiment un cours où il y avait tous les niveaux d'âge jusqu'à, je dirais, 65 ans. Et l'idée, c'est de créer un rapport de confiance avec son corps, de reprendre confiance en soi à travers le prisme de la kizomba, hein, toujours cette danse, mais d'apprendre à aller un peu plus dans la sensualité, à s'autoriser, par exemple, à laisser la main glisser dans le cadre d'une chorégraphie. Mais c'est de comprendre pourquoi c'est pas OK pour moi si je laisse glisser ma main sur mon bras. C'est quand même bizarre de se dire qu'on a tellement des codes à l'intérieur de nous et des choses qui sont intériorisées que c'est même pas OK pour nous de caresser notre propre bras, parce qu'il y a des choses qui viennent psychologiquement dans notre tête nous freiner dans ce mouvement-là. Mmh. Or là, l'objectif, c'est qu'il n'y ait vraiment aucun homme, donc on n'est que nous avec nous-mêmes, et on n'est pas dans un regard de « ok, je fais ça dans le but qu'il y ait une réception du message ». Là, le seul message, c'est de nous avec nous-mêmes. Donc là, c'est de septembre à février en kizomba, et je propose à l'intérieur de cet atelier, donc en réalité c'est 21h, je propose une heure de cours particulier où j'accompagne les filles, cette fois-ci en one-one, en tête-à-tête, où elles vont pouvoir me confier. En général, il se passe toujours, c'est assez de l'émotion, elles me confient souvent des complexes, des choses, et je viens les accompagner sur le rapport à leur corps. Je leur confie aussi des choses de parcours, je leur transmets plein de témoignages aussi. Et on va bien au-delà de la danse. Ouais. Hein. On vient travailler une technique particulière en fonction de leur corps pour qu'elles comprennent que leur corps est unique et que c'est le résultat de leur histoire de vie. Qu'elles aient 15 ou 65 ans, c'est le résultat de leur histoire de vie. Il n'y a pas de hiérarchie en fait. Voilà. Et à partir de février, je switch. Donc ce sera toujours le même atelier de 21h, mais cette fois-ci, ce sera sur la salsa. Donc je recrée un nouveau groupe, dont il peut y avoir les mêmes filles, mais un nouveau groupe fermé de bienveillance. Voilà. D'accord, c'est très complet. On a vraiment une vision très claire de ce que vous proposez maintenant. Donc, où est-ce que nos auditeurs peuvent vous contacter? Comment ils s'y prennent pour prendre contact avec vous, Fanny et Izzy? Alors, on est beaucoup présents sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Instagram, parce que c'est là où on véhicule beaucoup plus les informations. Donc, sur Facebook, c'est la page Baila Senti. Donc, comme on l'entend, Baila Senti. Ensuite, on est joignable par mail sur bailasenti@gmail.com. Sur Instagram et Facebook, Baila Senti. Ouais. Très bien. Par Messenger, sur la boîte de messages ou en commentaire d'une photo, ils peuvent nous poser une question. Oui. Voilà, pas hésiter à aller voir toutes nos infos, le mail, voilà, on essaye de... Voilà, d'être présent partout. Tout en rappelant qu'on peut noter d'ores et déjà dans son agenda la date du 23 novembre pour ceux qui seront intéressés pour le stage Baila Cubana. Exactement. Exactement. Merci à tous les deux. Il y a beaucoup d'ambiance sur ce forum, des enfants autour de nous, et ben c'est bien. Ça fait partie de la dynamique. Exactement. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Camina a mi lado, donde quiera estar conmigo.